Ouais. Ça y est, je vais faire grimper le mercure. Bien, bien. Le son des playas en direct de la marina. Fatal Bazooka, Saint-Trop, Ibiza, Chambéry, La Clusa. Même combat, ouais. En chacal, gonflé à bloc-bloc, ça va faire mal. Je viens pour tout péter, parer. Même tu rames pourrait pas me stopper. Lunettes de soleil bien calées devant les yeux. Pour une paire achetée, mec, j'en ai eu deux. Jamais on galère, mat comme en chair. Oh, Fatal, t'es trop fort, tu veux pas être mon père. Je suis là pour bouffer de la foule et prendre des bains de moule. Ou l'inverse, je sais plus, ça me saoule. Juste la balle, de la bombe, de balle, de la bête, de bombe. Je commence à fond, je termine en trompe. Je fais non-stop, je tape des tops. Toute la nuit, et va sans ton hippie. Toujours présent, mec, je fais pas semblant. Oh, Fatal, t'es trop fort, tu veux être président. Tranquillement, à base de tranquillade. Ça y est, si on péchauffe les cagoles. Premier en slip, premier en sandales. Je déballe le matos, laisse-y faire le scandale. Au programme, jet ski dans le jacuzzi et Lucini en bikini dans une mini Maurice. Oh, Fatal, t'es trop fort, tu m'étales du monoïse. Prends la son jupe, prends la salle de jeu. Bravidac, toi, je te déshabille en deux. Si tu avances et tu recules, comment veux-tu que je t'en fasse? Lève ton pull. Hey, cousine, j'suis une sex machine. Ramène pas tes copines, toi, je te casse le string. T'es comme une folie finie sous mes vêtements. Oh, Fatal, t'es trop fort, tu me fais un enfant. Tranquillement, à base de tranquillade. Personne ne danse, on fait tranquillement. Je vous explique, main derrière la tête, tu bouges juste le bassin. Tranquillement, à base de tranquillade. Tranquillement, à base de tranquillade. Personne ne danse, c'est trop vilain. Juste tu balances, des coups de rein. Tranquillement, à base de tranquillade. Tranquillement, à base de tranquillade. Personne ne danse, c'est trop vilain. Juste tu balances, des coups de rein. Tranquillement, à base de tranquillade. Tranquillement, à base de tranquillade. Je vais faire.